Lettre sixième. Calpurnie à Sulpicie, Rome, février 301. Ton séjour à Bay et ta longue absence me deviennent insupportables. J'ai tant de choses à te dire, à te raconter. Je suis obligé d'avoir recours à la plume, moyen bien faible pour exprimer ce qu'on sent. Que d'idées qu'on n'articule pas et qu'une amie entend également. Un instant de présence réelle vaut mieux, à mon avis, que 10 lettres. Serranus commence à s'impatienter aussi de ta longue absence. Tu as trouvé bien des occupations. L'état de votre villa est pire que vous ne l'aviez supposé. Il ne l'ignore pas, mais il pense que tu devrais avoir achevé de mettre tout en ordre et que s'il reste encore quelque chose à finir, on pourrait le différer. Serranus est, je t'assure, le plus excellent des maris. Il sait que tu as vu souvent le prince d'Arménie à Bay et il se réjouit de ce que tu n'as pas été tout à fait seul. Il t'estime trop, Sulpicie, pour croire que ta liaison avec Tiridate soit autre chose que de l'amitié. Hier, il vint chez moi pour se plaindre de ton absence. Nous parlâmes beaucoup de toi. Il veut t'écrire pour te prier instamment d'accélérer ton retour. Il trouve que sa bonne Sulpicie lui manque partout. Tu me manques aussi plus que je ne puis te le dire. Il s'est fait en moi un changement dont j'aimerais à te parler. Je ne suis plus ce que j'étais lorsque tu m'as quitté. Je vois tout sous un nouveau jour. Je m'en afflige. Cependant, je ne regrette point que ce changement soit arrivé. Pourrais-tu le croire, Sulpicie? Je deviens silencieuse. Je puis, pendant des heures entières, réfléchir profondément sur des choses qui naguère me faisaient rire aux éclats. Je ris rarement à présent, très rarement. Et souvent, je trouve du charme à ce qui me paraissait ridiculement exalté lorsque j'étais encore la vive, l'insouciante Calpurnie. J'attribue cette disposition nouvelle aux personnes que je vois. Que l'on se garde de nier cette influence qui agit d'une manière insensible et de croire que l'on puisse échapper à son empire. Lorsqu'on habite un pays étranger, ne prend-on pas insensiblement et sans presque s'en apercevoir les mœurs, les modes, les usages et même le dialecte de ceux avec qui l'on vit? Ainsi, nous imitons de même les idées, les vues et le genre de conversation des amis que nous fréquentons habituellement. Ce n'est qu'après quelque temps que nous nous apercevons du changement qui s'est opéré et que nous sommes surpris de ne plus nous retrouver. Agathoclès ne sourit pas, Sulpicie. Agathoclès est très souvent avec moi. Nous causons ensemble sur divers sujets intéressants auxquels il me semble que je n'aurais jamais pensé 2 minutes et dont je puis parler des heures entières. Mon amour-propre féminin m'induit bien en erreur s'il n'est pas vrai qu'il trouve autant de plaisir dans nos entretiens que j'en éprouve dans sa société. Ce plaisir mutuel qui nous entraîne à nous chercher, à parler ensemble, tiendrait-il seulement à une espèce de surprise de voir un tel accord dans notre façon de penser et des rapports dont nous ne nous doutions pas? Dans les commencements, une différence totale semblait exister dans nos caractères et nos opinions. À présent, j'ai la preuve incontestable que nous pensons à peu près de même sur la plupart des choses. Il s'élève bien de temps en temps une légère dispute entre nous, mais elle ne fait qu'animer la conversation et l'échange de nos idées. Elle ne dérange point notre harmonie, et nous en revenons bientôt au même résultat. Agathoclès est à son aise depuis qu'il s'est dégagé de sa pruderie apparente. Il en est 100 fois plus aimable. Il lit, il déclame, on ne peut mieux. Mon plus grand plaisir est de me faire réciter par lui les passages les plus intéressants de nos poètes, qu'il sait de mémoire. Il m'arrive aussi quelquefois de déclamer avec lui. Cette étude et ce talent furent de tout temps mon amusement favori. Et puis, l'avouerai-je, ma vanité n'est pas sans récompense. Je vois, ou plutôt je sens que la lectrice l'intéresse plus que le poète. Et plus il est sévère, plus j'ai de plaisir à voir fondre cette glace sous les doux rayons de l'amitié. De l'amitié. Fais bien attention à ce mot, Sulpicie, c'est bien ce que je veux dire. Je ne m'en sers pas pour voiler le mot d'amour. Il ne peut y en avoir entre nous, puisque je suis sa confidente. Je sais que son cœur, et c'est toujours ainsi chez un être exalté, appartient en partie à l'humanité, et que le reste de ses sentiments, bien purs, sont le partage d'une idole dont l'image est gravée dans ce cœur fidèle depuis l'enfance et qui le rend insensible au charme des autres mortels. Je suis déjà bien instruite, comme tu vois. Aussi n'ai-je pas eu besoin d'attendre ton retour ni tes informations auprès de Tiridate. J'ai cherché à pénétrer le secret d'Agathoclès par un moyen plus noble et plus doux, celui du vif intérêt que je lui ai témoigné. j'ai découvert qu'un chagrin oppressait ce cœur, qu'il n'a pas fermé à l'amitié compatissante. Son mécontentement sur les temps présents, ses craintes sur l'avenir, sa tristesse sur le passé ne sont plus le sujet de nos entretiens, encore moins celui de mes saillies. Depuis que je sais le genre d'intérêt que mon ami prend à ce passé tant regretté, je n'en parle plus qu'avec un ton sérieux, plein de dignité. Je vois enfin avec joie les nuages qui obscurcissaient son front se dissiper et ses yeux m'exprimer amitié et reconnaissance. Il m'a même parlé, mais avec retenue, de la désunion qui règne entre son père et lui. J'ai respecté sa discrétion. Je n'ai pas insisté pour en savoir la cause. Cependant, j'ai lieu de croire qu'il aurait volontiers confié à son ami tous les secrets dont il est maître et qu'il le regarde seul. Que j'aurais aimé connaître cette personne, charme de son enfance, attachement de sa jeunesse, et qu'il ne peut oublier. Elle n'était point belle, dit-il, mais très intéressante, bonne, sensible, parfaitement aimable. Cela va sans dire quand l'amant trace le portrait. Je crois même pouvoir en conclure qu'elle était décidément laide, puisqu'il est forcé de convenir qu'elle n'était pas belle, mais qu'importe, elle était aimée, elle l'est encore. Ils furent intimement liés dans leur enfance. Cette liaison a continué jusqu'à la 18e année d'Agathoclès. Sa bien-aimée en avait 15 ou 16. Depuis lors, il ne l'a pas revue. Depuis 8 ans, ils sont séparés. 8 ans, Sulpici. Peux-tu concevoir qu'un jeune homme conserve aussi longtemps une impression d'enfance, qui durera sans doute éternellement, et servira de type au jugement qu'il portera sur toutes les femmes? Cela pourra fort bien lui nuire pour le choix d'une épouse, ou lui être utile, si tu veux, car il n'en sera que plus prudent. Il étudiera longtemps une femme pour s'assurer si elle a quelque rapport avec celle qu'il aimait, et pour lui, quelle tâche difficile. J'aime fort qu'un jeune homme ait dans le cœur un sentiment de grandeur, de dignité, de vertu, qui lui servent à juger le monde. L'un et l'autre y gagnent. Alors il ne fera jamais rien d'ordinaire, jamais il ne sera un de ces êtres comme on en voit tant. Et s'il rencontre des âmes semblables à la sienne, elles s'électriseront mutuellement. Elles deviendront ensemble capables des plus belles actions. Qu'ils prennent idéalement pour modèle un homme célèbre, un héros comme Miltiade le fut pour Thémistocle, ou même une femme aimable, peu importe, l'effet est toujours le même. Sur ce récit, tu peux juger du calme de mon âme, et si j'envisage ma position et celle d'Agathoclès avec une vraie philosophie, passe-moi ce mot, il exprime précisément ce que je veux. La philosophie n'est-elle pas l'amour de la sagesse? Et ne doit-on pas regarder comme sage celui qui s'efforce d'avoir une idée juste des choses et des hommes, de les considérer sous leur vrai point de vue, d'examiner et les rapports et les différences qui existent entre eux, ce qui doit ou en rapprocher ou en éloigner? Cela seul mène à la tranquillité. La sagesse ne peut exister dans une âme agitée et incertaine. D'après cette définition qui me paraît assez juste, il s'agirait de décider quel est le plus digne du titre de philosophe, de celui dont l'âme passionnée se jette toujours dans les extrêmes, qui voit le monde dans un combat perpétuel entre la vertu et le vice, qui supporte tout péniblement, parce que rien ne se trouve d'accord avec ses principes austères et ses opinions exagérées, qui est le monde où il est appelé à vivre, et les hommes dont il ne peut se passer. Ou de nous autres femmes, légères, enjouées, qui ne donnons pas plus de prix aux choses de ce monde qu'elles n'en méritent, qui ne nous laissons émouvoir ni par les passions ni par les préjugés, qui déchirons le voile des illusions, et voyons l'homme ce qu'il est réellement, un nain qui voudrait passer pour un géant, un enfant qui ne sait ce qu'il veut ni ce qu'il dit, et se laisse entraîner par les circonstances, enfin, qu'il est si facile de subjuguer lorsqu'on ne se laisse pas subjuguer soi-même. Je vais maintenant te parler d'un passage de ta lettre qui m'a beaucoup chagriné. Abjurons l'orgueil des systèmes, m'as-tu écrit. Nous ne sommes point ce que nous voulons, mais ce que nous pouvons. Moi, je te dirais au contraire, ne cherchons point d'excuses dans notre incapacité, surtout lorsqu'il est question d'agir. Que deux fois il arrive, dit le grand Sénèque, que ne pas pouvoir sert d'excuse à ne pas vouloir. Je l'avoue donc, ma chère Sulpici, Agathoclès pourrait être dangereux pour moi et pour mon repos, si je n'avais pas une volonté ferme, positive, de résister de toutes mes forces. Je le veux, je le pourrais. Je t'ai parlé comme je sens. Pourquoi devrais-je me taire et rougir du penchant qui m'attire vers le meilleur des hommes? Précisément parce que je sens ce penchant et que j'en conviens. je m'observer avec soin, ainsi que celui que j'aime. Ni l'amour ni la passion ne doivent dominer un caractère tel que le mien, m'entraîner au-delà de mes résolutions et troubler ma douce tranquillité. Estime, amitié, confiance, commerce vertueux et libre avec un aimable ami, voilà tout ce dont j'ai besoin pour être heureuse. Je cherchais ce bonheur, je l'ai trouvé. Je saurai le conserver. Adieu.